Les chasseurs de nazis. Chapitre 2, du gibier en tout genre. Quatrième épisode. Arrêtons-nous aujourd'hui sur cette histoire bien connue de la fuite des criminels nazis vers l'Amérique latine et en particulier vers l'Argentine. Et laissons-nous guider à nouveau par l'écrivain Philippe Kerr qui, dans les premières pages de son polar Une douce flamme, raconte leur périple maritime. Le navire était le SS Giovanni, ce qui semblait tout à fait approprié puisque trois au moins de ses passagers, moi y compris, avaient appartenu à la SS. De dimension moyenne, le bateau possédait deux cheminées, une vue sur la mer, un bar bien garni et un restaurant italien. Le rêve si vous aimiez la cuisine italienne, mais au bout de 4 semaines à se traîner à la vitesse de 8 nœuds depuis Gênes, je ne pouvais plus la voir en peinture et je n'étais pas mécontent de débarquer. Appelons maintenant au téléphone celui qui est aujourd'hui un acteur de l'humanitaire dans un pays d'Amérique centrale et qui n'a pas oublié que pendant ses études, il a consacré un mémoire au lien privilégié entre les criminels nazis et le régime péroniste. Emmanuel Michaud, une vingtaine de nazis ont été jugés à Nuremberg puis pendus, mais certains ont échappé au procès et à la potence. Ils ont pris la fuite. Qui les a aidés ? Pour les institutions ou les personnes qui ont aidé les nazis à s'enfuir, notamment vers l'Amérique du Sud et en particulier l'Argentine, il y a deux institutions qui sont souvent mises en cause, c'est la Croix-Rouge et l'Église catholique. Donc on va avoir en fait un réseau qui s'organise autour du Vatican avec des personnes clés qui vont aider les nazis à obtenir les documents de voyage nécessaires avec Alois Udall. Donc Alois Udall, c'est le recteur du collège teutonique Santa Maria dell'Anima qui dans les années 30 a montré que idéologiquement il cherchait à faire le lien entre le nazisme et le catholicisme. C'est assez difficile de penser que les autorités du Vatican n'étaient pas au courant de ce type de pratique. Nous pénétrâmes dans le port de Buenos Aires, le long du morne Rio de la Plata, ce qui nous fournit l'occasion, à mes deux compagnons de voyage et à moi, de méditer sur la glorieuse histoire de notre invincible marine allemande. Quelque part, au fond du fleuve, près de Montevideo, gisait l'épave du Graf Spee, un cuirassé de poche invinciblement sabordé par son capitaine en décembre 1939 pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Britanniques. À ma connaissance, c'était la seule et unique incursion de la guerre en Argentine. Mes deux amis et moi, nous considérions comme des réfugiés, ce qui sonnait mieux que fugitifs. À tort ou à raison, une sorte de justice nous attendait tous les trois en Europe, et nos passeports de la Croix-Rouge dissimulaient nos identités réelles. Je n'étais pas plus le docteur Carlos Hausner, qu'Adolf Eichmann n'était Ricardo Clement, ou Herbert Kuhlmann, Pedro Geller, ce qui ne posait pas de problème aux Argentins. Ils se fichaient éperdument de notre identité ou de nos agissements pendant la guerre. Il y a un rapport des services secrets américains qui est rédigé en mai 1947 par Vincent Lavista et qui est assez accablant pour l'Église, puisque dans ce rapport, les services secrets américains montrent qu'il y a un rôle central du Saint-Siège. Donc ces criminels nazis ont des documents de voyage issus par le Vatican et ils vont voir la Croix-Rouge pour avoir des vrais passeports de personnes déplacées. Donc on va avoir des gens très haut placés qui vont obtenir un document de voyage qui est un petit peu une sorte de laissez-passer, c'est pas vraiment un passeport. Par exemple Eichmann, Mengele, Pavelić qui a été le chef d'état de la Croatie nazie, qui vont obtenir ce document de voyage de la Croix-Rouge. Donc on peut se demander pourquoi une institution comme la Croix-Rouge a distribué des documents de voyage à des criminels de guerre. On peut plutôt croire que les prêtres comme Alois Udall ou Kronoslav Draganovic, qui travaillaient au sein de la commission pontificale d'assistance, avaient probablement des contacts personnels avec des gens qui étaient à la Croix-Rouge, qui leur ont permis d'avoir accès à ce type de documents. Un employé de l'immigration et un douanier montèrent à bord du bateau. L'employé de l'immigration, au teint acajou, considéra le mince passeport d'Eichmann, puis Eichmann lui-même, comme s'il sortait tout droit d'un foyer d'épidémie de choléra, ce qui n'était pas loin de la vérité. L'Europe commençait à peine à se remettre d'une maladie appelée nazisme, qui avait fait plus de 50 millions de morts. Profession ? Demanda l'employé à Eichmann. Le visage en lame de couteau d'Eichmann fut agité d'un tic nerveux. Technicien. répondit-il avant de s'éponger le front avec un mouchoir. Il ne faisait pas très chaud, mais Eichmann semblait avoir une sensibilité à la chaleur comme je n'en ai jamais rencontré chez personne d'autre. Dans l'intervalle, le douanier, qui dégageait une odeur de fabrique de cigares, se tourna vers moi. Ses narines se dilatèrent comme s'il pouvait sentir le fric que je transportais dans mon sac. Puis il décolla sa lèvre crevassée de la barrière de bambou de ses dents, en ce qui passe pour un sourire dans ce genre de travail. J'avais environ 30 000 shillings autrichiens dans le dit sac, ce qui faisait pas mal en Autriche, mais nettement moins une fois converti en bel et bon argent. Emmanuel Michaud, la CIA, un peu plus tard, va surnommer les routes empruntées la ligne des rats. Donc il y a principalement deux routes vers l'Amérique du Sud et notamment l'Argentine. Donc le réseau italien, il va y avoir une sortie via les ports de Gênes ou de Naples. Et après, on va voir le réseau espagnol. Donc ce réseau espagnol, dans un premier temps, il va pouvoir profiter de la bienveillance de Franco pour aider des collaborationnistes donc français et belges à partir vers l'Argentine via les ports de Barcelone, Vigo ou Bilbao, par exemple. Qu'y a-t-il dans ce sac ? Des vêtements, des objets de toilette, un peu d'argent. Ça vous ennuierait de me montrer ? Non, dis-je terriblement ennuyé. Je hissai le sac sur une table à tréteaux et je m'apprêtais à l'ouvrir quand un homme grimpa précipitamment la passerelle du bateau, criant quelque chose en espagnol puis en allemand. C'est un malentendu. Vos papiers sont parfaitement en règle. Je le sais parce que c'est moi qui m'en suis occupé. Il ajouta quelques mots en espagnol, comme quoi nous étions tous les trois des visiteurs importants venus d'Allemagne, et l'attitude des deux fonctionnaires changea aussitôt. L'un et l'autre se mirent au garde à vous. On connaît donc le cas célèbre d'Adolf Eichmann qui arrive à Buenos Aires sous le pseudonyme de Ricardo Clement, celui de Joseph Mengele qui a un faux passeport sous le nom de Helmut Gregor. Combien, à votre avis, sont arrivés en Argentine ? Du point de vue des chiffres, c'est assez difficile. Mais à la lecture des différents historiens qui ont travaillé sur la fuite des criminels nazis vers l'Argentine, on peut arriver à un chiffre entre 50 000 et 60 000. Si on parle des criminels de guerre pour lesquels il y a eu des procès, où on sait qu'il y a eu des crimes commis directement, on peut parler d'autour de 300 personnes. Comme Mengele qui a été le médecin d'Auschwitz et qui a fait des expériences sur les prisonniers, Karl Vernet qui a fait des expériences sur les prisonniers de Buchenwald pour trouver un remède à l'homosexualité. Donc là, on est dans des cas où c'est l'expression la plus terrible, j'ai envie de dire, de l'horreur nazie. Et après, on va voir des cas comme par exemple Émile de Wottine, qui est français et qui a travaillé dans l'aéronautique, qui a collaboré en zone occupée, qui va être condamné par contumace à 20 ans de prison en France et qui va aussi partir vers l'Argentine. L'employé de l'immigration, faisant face à Eichmann, lui rendit son passeport, claqua des talons et fit à l'homme le plus recherché d'Europe le salut hitlérien, assorti d'un vigoureux « Heil Hitler » que tout le monde dut entendre sur le pont. Quelle est la motivation de l'Argentine de Juan Perón d'accueillir autant de criminels mais aussi de scientifiques nazis qui fuient donc l'Allemagne qui commence à redevenir démocratique ? L'Argentine a été neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Argentine déclare la guerre à l'Allemagne dans les dernières semaines de la guerre. Et donc, en utilisant un peu cette neutralité diplomatique, Perón va dire que ça a été un conflit en fait éloigné de l'Argentine et qu'il n'y a pas de raison d'accueillir ou de ne pas accueillir ceux qui ont participé à ce conflit. Perón, donc, c'est un militaire. Il a une certaine admiration pour le modèle militaire allemand, mais aussi pour la culture, la philosophie, l'organisation politique allemande. Et puis, entre 1939 et 1943, il va être attaché militaire en Italie. Il ne cache pas son admiration pour le régime de Mussolini. Donc, l'argument qui va être un peu apporté pour justifier l'accueil des criminels nazis, ça va être un peu lié au fait qu'ils vont pouvoir permettre le développement scientifique et technologique de l'Argentine. Quand on se penche sur la contribution des nazis qui sont arrivés en Argentine, ben il n'y a pratiquement pas de contribution au développement du pays, bien au contraire. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.